Oh, affaire étrangère, lika monnaie à moto, affaire étrangère. Mwana ya mama oyoki, balingi ne basambwi sanga. Likambo ya kaka mwa, malamu boye lokola oyoki. Basusu lokola nayebi, bazali na kitoko ya mayebo. Kitoko ne tango make, nasima eko kauka. Bayuma balei batoni, balingi ne bakamata fiesta mudude. Fiesta ye miziki monene, akende se malembe lokola mesene. Basambwisanga likambo ya kaka mwa malamu boye lokola oyoki basusu lokola nayebi bazali na kitoko ya mayebo kitoko ne atango make nasima ekokauka bayuma balei batoni balingi ne bakamata fiesta mudude. Fiesta ye miziki monene, akene se malembe lokola mesene. Oh, affaire étrangère, likambone ya moto, affaire étrangère. Oh, affaire étrangère, likambone ya moto, affaire étrangère. Oh, likambone ya bino, ezali po ya biso, affaire étrangère. Oh, bipalio ya bino, to bengi se ko benga, affaire étrangère. Likambo ya bino ezali po ya biso affaire étrangère. Oh, bipalo ya bino to bengi se ko benga affaire étrangère. Oh, affaire étrangère, likambo ne ya moto affaire étrangère. Likambo ya bino ezali po ya biso affaire étrangère. Oh, bipalo ya bino ezali pengo benga affaire étrangère. Oh, affaire étrangère, likambo ne ya moto.